Bonsoir Lissasa Belgique. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Gérant Analyse. Avec plaisir. On va parler avec toi de ta carrière, de ton passé, de l'avenir aussi, de plein de projets, de tout ce qui te concerne. On est avec Cyril. Bonsoir tout le monde. Cyril, ça va moi. Bonsoir. Oui, ça va, tranquille. Et on est avec Marc qui nous va faire un petit coucou. Bonsoir à tous. Voilà. On attaque, Cyril. On commence par alors. Petite présentation quand même rapide pour les gens qui ne connaîtraient pas Lissasa Belgique, pour les plus jeunes peut-être d'entre nous. Donc voilà, Lissasa Belgique, Guinino, donc il est arrivé à Bordeaux en 97, champion de France en 99 et puis un départ en 2001. Donc pour moi, ça a été les grandes années des Girondins de Bordeaux, c'est les années où j'ai été fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, c'est les années où j'ai rêvé, c'est les années où j'ai vraiment kiffé, c'était les années Micou, Penarbia, Viltord, c'était vraiment du beau jeu à l'escure. Ricardinho. Ouais, Ricardinho, c'était juste avant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on mettait des 3-4-0 tous les week-ends, jamais on perdait, si on perdait à domicile, jamais on aurait pris un 4-0 à domicile, donc c'était vraiment une autre époque. Donc déjà, Nino, merci d'être là. 36 sélections, je crois, Nisa, c'est ça? 33. Ouais. Et la particularité, ben, comme t'es Monténégrin, c'est ça? Monténégrin, ouais. D'avoir connu plusieurs sélections. Monténégrin français, hein, double. Ah, t'es la double. Je suis français depuis 2003, oui, exact. On cherche un défenseur en ce moment, t'es pas chaud pour... Oui, pour le terrain, oui. Non, t'as la particularité d'avoir été espoir, donc pour la Yougoslavie, donc avant la guerre, d'avoir joué pour la Serbie. Ouais, c'était une grande époque. Bon, je jouais équipe nationale Yougoslavie avec les Croaties, Macédonie, Serbie, Monténégro, toute l'ex-Yougoslavie, la Bosnie, de la Bosnie, Kosovo aussi, donc Vojvodina, voilà. Donc c'était une grande école de foot, comme on dit sur notre région brésilienne d'Europe. Donc on avait une très bonne école de foot, d'éducation de certain âge. Et après, de toute façon, pendant toute l'évolution de ma carrière aussi dans ma génération, j'étais vraiment très fier à participer à l'époque inoubliable. Avec Alain Boksic, avec Mirković, Jugović, Boban, Suker, Mijatović, et appelé Stojković, Savićević, Prostinički, c'était une grande époque, donc vraiment je suis très très fier, et j'ai un souvenir vraiment inoubliable avec toute la génération et l'entraîneur aussi, donc. D'ailleurs, on va parler un petit peu de la formation, d'ailleurs, dans les pays des Balkans, qu'est-ce qui fait que dans les sports collectifs, parce que c'est pas forcément que le football, c'est aussi dans le basket, c'est aussi dans dans tous les sports, les ex-Yougoslaves, les Serbes, les Bosniaques, les Monténégrins, tout ça, ils aient une telle aisance avec le sport. Mais c'est une culture, la notre force, même parenthèse entre tout, qu'est-ce que vous avez à dire, c'est par exemple le waterpolo, mon fils joue l'équipe nationale, 16 ans, on est 3 piscines couvertes, on est 3e équipe du monde, donc c'est la force, c'est en fait la mentalité de nous, et moi ça m'a porté même plein de choses dans la vie, parce que là historiquement c'est toujours au Balkan un petit peu, bon je mets pas au milieu politique, c'est toujours difficile, on dise... et la guerre, tout ça, donc c'est nature, dès qu'on arrive pour notre éducation qui est toujours remarquable avec les parents, avec les amis, et surtout au milieu du sportif, notre force, surtout qu'on arrive dans un pays sublime comme la France, dans un super club je prends un compliment comme ça, avec les super supporters que j'ai très bien accueillis, et on n'oublie pas ça. Donc souvent quand on joue, moi personnellement quand je joue, et je passe souvent le message à Jovanović et Gajić, et ils s'en appliquent parce qu'ils sont conscients de ça. C'est une importance de vraiment énorme pour moi. Surtout, je parle pour moi à l'époque, parce que quand on est joué sur un terrain un peu chaud, et moi je m'applique plus et on joue grâce aux supporters. Et quand on arrive dans un club avec l'ambition, pour moi c'était, j'ai pas dit facile, mais ça me motive aussi pour faire les meilleurs résultats. Donc. Tu parlais de Gajić et Jovanović. Ils t'ont demandé des conseils ou... Mais en fait, la génération est changée, en fait. Moi, quand j'avais un peu 19 ans, 20 ans, je jouais à l'équipe nationale de Yougoslavie dans un championnat vraiment super. Mais cette époque, ils sont, je pense, ils prennent plus d'expérience avec les jeunesses. Mais pour certaines choses, bien sûr, on parle, surtout avec Jovanović avant le match contre Marseille. Je donne certains conseils. C'est un joueur qu'on joue d'importe. Je suis très fier depuis que je suis parti. Un joueur qui est vraiment maintenant remarqué, surtout numéro 4, ça me fait assez plaisir, c'est Jovanović. Donc, il y a une grande potentialité, surtout avec, cette staff technique, Jos Gouvernec et Eric Blaïc. Jos est mon très bon copain, on est joué à Saint-Marc-Bastia. Et Eric Blaïc, entraîneur à Sochaux pendant 2 ans. C'est certain, il a progressé. Donc, cette personne avec Gaïc, les deux, ils sont très conscients de, d'abord, leur travail, de travail qui pose très important à Bordeaux. Mais après, c'est le terrain qui vraiment, il faut ce qui prouve encore plus ce terrain. Il appréhendait un peu, Jovanović, il appréhendait un peu le match face à Marseille, de se retrouver titulaire. Moi, je pourrais un petit peu expliquer, parce que bon, un Gomis, c'est un joueur comme ça qui bouge beaucoup. Moi, personnellement, comme, si je choisis un joueur pour jouer un premier match, surtout à Marseille, je choisis Gomis. Je pas dit, c'est un joueur super jeune, mais il se bat sur le terrain, il court à droite, à gauche, mais, c'est un sacré client, qu'on peut dire. Ah oui, faut le bouger. Moi, j'ai une question, alors, plus sur le championnat yougoslave à l'époque. Donc, on va rappeler aux gens ce que c'était la Yougoslavie, Étoile Rouge de Belgrade, donc le champion d'Europe, il gagne la Ligue des Champions, donc en 91. Face à qui? Face à Marseille. Face à Marseille, avec la main de... Ça, c'était en 2000, même. Non, 91, ouais. la main de Vata. Non, il gagne au pénalty avec Darko Panchev qui met le pénalty. 91. Et il y avait Savicevic et tout ça. Il y avait Ajduk Split, il y avait le Dynamo Zagreb, il y avait le Partizan, donc ton club que tu as rejoint juste après. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler? Alors moi, il y a surtout la rivalité, quoi. Étoile Rouge, Partizan, comment on fait quand on vit à Belgrade? C'est incroyable. Moi, je me rappelle de mon souvenir, de mon premier, en fait. Bon, déjà, je suis venu avec, je suis signé à Partizan Belgrade et je suis venu comme un joueur déjà formé à ex-Yougoslavie. Donc, moi, que je suis arrivé, c'était déjà que de Serbie et Monténégro, la Ligue. Donc, j'arrivais avec certaines expériences, avec déjà, je suis formé équipe nationale et tout ça. Mais une rivalité, mon premier match à l'époque, quand je jouais à Partizan Belgrade, c'est derby. On le faisait, c'était 2-2. Je me rappelle deux heures avant le match, même les gardiens du but, il m'a expliqué les choses. Il dit Nino, quand tu joues l'ambiance, si tu marques le but, les supporters, ça garde la vie. Mais en fait, je me parle, et quand je suis sorti du terrain, 3 heures avant le match, 2 heures pour voir l'ambiance, 50 000 personnes avec les supporters, c'était incroyable. Et surtout, on est 2-0, on perd le premier mi-temps chez nous contre Étoile Rouge. Et deuxième mi-temps, on joue un 45 minutes inoubliable. On est égalisé. Moi, j'ai égalisé à je pense 76 minutes. Mais les rivalités, les deux stades qui sont 500 mètres, c'est incroyable. Et en Maracana, après, on est joué avec ma génération. 30 ans, on n'est pas gagné là-bas. Moi, j'ai pris un peu la parole, auprès des joueurs. Maracana, c'est le stade de l'Étoile Rouge de Belgrade. Ça s'appelle Rajko Mitić, c'est le stade olympique. Ouais. Et là, il s'appelle Rajko Mitić, un légende joueur de l'Étoile Rouge. Mais après, j'ai pris la parole, l'entraîneur qui est sorti, j'ai dit, si cette équipe de l'Étoile Rouge, il nous gagne, moi, c'est le premier qui part d'ici, c'est moi. Donc, on était un peu motivés, on a gagné 3-0, et comme hasard, je marquais encore le but. Du derby. À 12 ans, je marquais 3 buts de derby. Pour moi, c'était un souvenir inoubliable. Mais les supporters, ils n'oublient jamais ça. Mais l'ambiance, l'électricité, c'est incroyable. C'est pas que au football. Tout à l'heure, tu parlais du water polo. C'est pas que au football. Le basket aussi, c'est la folie. En particulier, basket, le Partizan Belgrade, c'est le meilleur supporter du monde. On peut le dire ça. C'est un truc de. Je me rappelle, conférence de presse, d'entraîneur Juventud de Badalone. Ils disent, ils sont perdus 10 points écart. Juventud était. L'équipe était 2 fois plus forte, ils sont peut-être du peur, hein, mais ils disent, même l'équerre, si, ils peuvent le perdre. Parce que l'ambiance, c'est une tradition, l'ambiance comme on dit, salle, pionnière, on appelle comme ça, c'est incroyable. C'est une particularité, comme il faut le vivre. C'est clair, pour tous ceux qui ont l'occasion, si un jour vous partez en vacances, vous voyagez n'importe où, si vous avez l'occasion d'aller voir un match, ou en Turquie, ou en Grèce, dans des pays comme ça, où c'est hyper bouillant, mais foncez, parce que c'est un truc où, c'est notre monde. Ah ouais, non, mais vous le revivrez plus dans votre vie, c'est un truc de dingue. Alors pour nous, pour vous c'est l'habitude, mais pour nous c'est un truc. Oui, mais l'habitude, mais à chaque fois que même on voit le match, dès qu'on entre voir n'importe quel match de Partizan Belgrade, on s'est ovationné à chaque joueur, comme c'était passé avec vous la semaine dernière. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment ça c'est un frisson toujours. Donc c'est une tradition supporter de Partizan, même étoile rouge, Partizan Hajduk Split aussi. C'est un gros Zagreb aussi. Donc les rivalités, ça reste vraiment vraiment très très encore réel et très chaud. Donc j'ai une question sur les sélections, parce que je vais rappeler que tu as fait partie donc de l'équipe espoir de l'ex-Yougoslavie donc en 1990. Donc on est dans l'actualité parce qu'actuellement il y a l'Euro des moins de 21 ans, donc c'était un peu cette compétition là. Qu'est-ce que ça fait toi quelques années après de revoir des joueurs avec qui tu as joué dans d'autres sélections? Est-ce qu'il y avait cette guerre qui vous a séparé, ou est-ce qu'il y avait une amitié qui était toujours présente? Bon, du tout. C'est vrai, c'est une rivalité. C'est vrai, la guerre, il a resté la trace dans certains joueurs. Moi, j'ai l'image d'un joueur, notamment Boban, qui était très, qui était, par contre, dans mon esprit, un des joueurs qui était les plus impliqués dans la politique. Mais après, c'est chacun son choix. Moi, j'étais jamais impliqué, même avec Serbie, j'étais toujours monténégrin. Après, Boban, qui dit des choses que j'apprécie, surtout, je connais très bien, que j'ai pas apprécié, surtout, un peu, c'est une mensonge, ils disent, mais jamais chanté, chanson Yougoslavie. Donc, comme il dit Mihalovic, et c'est vrai, il dit, c'est pas vrai, parce que, à l'époque, quand il jouait avec Yves Espoir, il a chanté, je voulais mal les oreilles, donc. Appelé de son choix politique, c'est son choix. Et Boban, ça reste, même pour moi... Un grand joueur. Grand joueur et super mec. Appelé, c'est son choix sur terrain qu'on ait joué contre Croatie, qualification pour l'Euro 2000. On était entre nous. Je me rappelle une situation au premier match qu'on ait joué à Maracana, à Belgrade. Les pas de lumière, dixième minute. Je me rappelle, Tudor, Boban, ils sont tous... Tu as assis sur la pelouse avec les mains, il dit Nino, qu'est-ce qui nous est arrivé maintenant? Il dit non, c'est rien. Donc on reste toujours bon terme. Par contre, ce terrain, c'était vraiment une vraie rivalité. Mais après, même moi maintenant, je vais à Split, j'ai même à 97, 98. Bon, la politique, c'est entre deux. Croatie, c'est un pays existant. Je n'étais jamais contre. Et moi, la guerre, pour moi, moi, je dis toujours, c'est un business. Oui. Et après, les territoires sont déjà marqués depuis l'histoire, mais là-bas, comme au hasard, tout le monde y vient chez eux. Eux, ils passent la fête à Belgrade. Et les Serbes, ils vont passer vacances à une sublime côte Croatie, parce que la Croatie, j'adore. J'ai des amis, le lendemain, je peux les vivre. Donc, moi, j'ai aucun souci, moi. Moi, je parle de frontières, moi. Oui, puis avec les années, il y a peut-être, avec les années, ça passe aussi, peut-être. Ouais, après, c'est chacun, mais moi, intéressé. Après, c'est quelqu'un qui l'a touché, la famille, tout ça, c'est vrai, en colère, mais bon. On a rappel de l'histoire de la guerre ici, à France, à Allemagne, même tu 400, et ici, c'est duré 4 ans. Non plus, il faut pas non plus exagérer dessus. C'est passé, c'est derrière. Pas n'oublier non plus certaines choses. Mais sinon, pour nous, le foot, on reste vraiment des amis dessus, hein. Ça, vraiment, vraiment. Et puis en 97, donc tu quittes le Partizan de Belgrade, donc recruté par les Girondins de Bordeaux. Donc c'est Jean-Louis Triot et Monsieur Camporo qui te recrutent. Et Didier Lange aussi. Jean-Didier Lange, oui, c'est vrai. Est-ce que tu as une petite anecdote sur comment ça s'est fait, ce transfert? Mais moi, j'étais un peu aussi surpris, hein, parce que j'étais déjà sur une piste avec un groupe, déjà avec l'agent, parce là-bas, c'était avec l'agent, un groupe, c'est Minghella qui voulait agence. Gérer ma carrière pour emmener dans un club première division d'Espagne. Mais aussi, j'étais suivi par l'Udinese longtemps. Donc, j'ai discuté avec eux. Après, on s'est mis d'accord parce que je voudrais pas part comme ça avec Partizan. Même j'ai un contrat libre. Je voudrais aussi qu'ils payent quelque chose à Partizan Belgrade. Donc, t'étais en fin de contrat? Je t'ai fait un contrat. Donc, après, bon, il s'est trop surant pour me reprendre. Mais ça arrivait juste avant le match. On était préparation pour la qualification pour la Coupe du Monde contre Slovaquie à Novi Sad. Et le président de Partizan Belgrade, il m'appelle, il m'explique, il écoute Nino, est un club est très intéressant, il est très correct avec nous, ils sont quel club? J'ai rendez-vous à Bordeaux. J'étais un peu surpris, c'était déjà 22h. Il me dit c'était d'accord avec le salaire, tout ça. Il me dit oui, il me dit pourquoi pas, c'était même pas 10 minutes. Et bon, Charles, je me rappelle quand pour lui, il est venu avec avec le chauffeur de Partizan Belgrade. Mais c'est aussi, j'ai oublié, il a oublié le chauffeur, il a oublié le contrat. Donc il est obligé de partir encore le minuit. Donc je signais, j'étais même pas je dormais à 3h du matin avec Girondins. Et tu connaissais quoi de Bordeaux quand t'as dit Bordeaux, tiens. Et en fait, par Slavo Muslin un peu. Oui. Slavo Muslin, je parlais avec Jugovic, avec pas mal de, et même Mirkovic, mon milieu ami, il était sollicité par Girondins à l'époque des Zizou. Et après, j'attendais toujours un très bon centre de formation, une très belle région, et j'ai pas hésité. Et j'ai pas hésité, et en fait, la preuve, j'étais toujours là, et je suis toujours 20 ans après. Ouais, pile 20 ans après. Ouais, 20 ans après, je suis là, ouais. Et donc, tu arrives à Bordeaux, 97, donc, tu arrives, donc, avec le renouveau, avec Michel Pavan, dans une équipe totalement rappelée. Totalement, exact. Totalement voilà. Renouvelée par rapport à la saison, ouais. Passée. C'était pas facile pour moi. Première chose, je parle pas français du tout. Bon, j'ai pris les cours français, d'abord, mon professeur, il était professeur de portugais, black, chez nous, et pas de bon. Bon, je parle pas portugais, je pensais, je me trompais le cours. Donc, je suis arrivé avec tous les bouquins comme ça, je me trouve, comme le fou et Lilian. Il m'appelait l'Aslande, il parlait un peu anglais avec moi, parce que c'est lui qui s'occupe de moi, c'est le frère. Et l'Aslande qui parle anglais, ça doit être quelque chose. Un petit peu, on se débrouille, mais celui qui s'occupe de tous les papiers, de la maison, de tout ça, parce que moi, à l'époque, on n'est pas de, chez nous, même par carte bleue, c'était comme ça, c'était nos nouvelles époques, nouvelles nations. Oui, t'es vraiment arrivé, Je suis arrivé comme ça, surtout premier match, contre Monaco, devant supporter, guichet fermé à, je jouais contre Monaco, brésilien, à côté de moi, Paulo Grala. Paulo Grala, quoi. Lui, par rapport à moi, c'était un président de la République parce qu'il parlait. Et notre Stanley Menzo, et pas un mot français. Et il dit, en face de moi, c'est que de monstres. C'est Thierry Henry, Endoram. J'allais dire, ouais. Aimé Le Petit, tout ça. Mais il dit, savais j'ai que, attention à la marche. Donc, j'avais la même pression. J'étais sûr sur mon, comment c'est, la qualité, tout ça, mais avec un guichet fermé, mais j'étais très content pour le match. Surtout quand j'ai eu un peu, les canettes d'Heineken de vestiaire dans ma tête, parce que chez nous on était un peu comme un peu régime, un peu très strict, un peu communisme, un Partizan Belgrade, parce que nous même on boit de l'eau, c'est un peu après le match, oui, mais Heineken, Coca, je dis qu'est-ce que c'est? Après, dans ma tête je pensais, c'est sûr ils vont vérifier ce que je bois, c'est un test, ouais, c'est un test. En fait, je me rappelle Michel Pan, il dit mais docteur Montero, il me donne une canette comme ça et il faut boire. Ah, non, je bois jamais ça. C'est non, une belle anecdote. On est gagné 1-0 et c'était pas évident, mais je sentir vraiment une ambiance familiale. Et c'est ça, j'ai une intuition. C'est pour ça, nous, quand on dit Hugo, le mec de Balkan, Monténégrin, on joue sans sensation. Et dès qu'on trouve une, bon, déjà, j'étais motivé, c'est un super grand club. Mais arriver avec un supporter comme ça, avec une ambiance de fou, avec un super club, d'être très bien accueilli. Mais je reste la vie ici, hein, c'est ça. On se rend pas compte de la difficulté, mine de rien, parce que nous, supporters, des fois, on voit des joueurs qui arrivent, qui viennent, ou d'Europe de l'Est, ou pour le petit Vada d'Argentine ou du Brésil, et puis on se dit, ah, le mec, mais quand t'es pour un premier match, tu parles pas la langue. À côté de toi, t'as un Brésilien. Derrière toi, t'as un Belge. Devant toi, t'as, comme tu dis, t'avais des noms de l'époque. T'as un médocain devant. T'as un médocain devant. T'es Michel Pavan qui parle voilà. Hyper vite français. J'ai rien compris. Et là, tu dis, la vache, mais dans quoi je suis? Ouf. Ouais, et là, tu dis, bon, va pas falloir, nous, on se rend peut-être pas forcément compte. C'est pas forcément, c'est sûr. On se rend pas compte de tout ça quand on est dans les tribunes. Mais c'est vrai que ça devrait être quand même quelque chose de ouais, assez spécial. Très dur. Vraiment, très dur. Surtout, la tactique, tout ça que tu expliques, c'était très dur. Hein, bon, j'extrapole un petit peu à ce qui s'est passé. Tu comprends le fait de Govanek de dire Jovanovic, premier match, je mets Gagic à côté pour la langue, etc. Tu comprends ce genre de raisonnement où tu dis oui, il y a toujours le problème de la langue, mais faut pas forcément changer l'équipe pour ça. Mais écoute, après c'est toujours quand tu joues dans un club comme ça, c'est vrai la langue c'est une difficulté vraiment particulière. Mais après il faut jamais une excuse. Ça, l'angle, c'est, tu rentres dans un pays, il faut respecter le système. Comme je dis pas à ma fille et mon fils, tout ça. Donc, ça, dans ma culture, et comme entraîneur, bon, on parle d'appeler de ça, et pas d'excuse. C'est vrai, c'est une difficulté. Tu comprends pas. Mais t'es vraiment fort et motivé, tu vois, la tactique, l'explication. Il faut s'adapter. T'es conscient, tu rentres dans un club. C'est très difficile, je pas dit c'est facile. Mais Jovanovic, comme il y a des gens, il parle pas, des gens, il a prouvé, la raison que je parle maintenant. Donc si tu appelles fébrile un peu, c'est une excuse aussi. On peut après, c'est chacun individualité. Est-ce que lui il est tellement fort dans la tête, il peut passer sa barrière au côté, ou moi j'ai pas dit de trouver excuse, c'est dur. Mm-hmm. Pour moi c'était dur, mais moi quand j'arrive sur le terrain, ah, le mec en face de moi, il va être Bruce Lee, Jackie Chan, ou je sais pas qui. Ah, mais je lâche les lacets, hein. Donc, surtout, je vais pas devant un guichet fermé avec 60 degrés à la température. Je parlais 5 kilos, alors je gagne un zéro. Ah, pas de barrière français ou comme oui. Ça. Mais Michel peut me dire un boulico ou comme ça, j'ai rien compris. C'est, il y a pas de souci. Donc, je plaisante. Mais non, mais c'est vrai, c'est difficile. Mais après, au fur et à mesure, tout ça, de toute façon, Jovanovic, il prend un coup français, tout ça, parce que pour son prof, et l'anglais, mon prof. Il était portugais, c'est déjà très difficile. Il parle muito bon, muito feio. Je comprends rien du tout, donc bon, j'ai appris le français comme ça. T'as appris le français avec un prof portugais qui parlait pas serbe. Surtout, c'est un black, chez nous, il n'y a pas de black. J'ai Hugo, un black comme ça, qui parle Hugo. J'ai dit qu'il arrive comme ça. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Avec tous les bouquins comme ça, surtout les cours français, j'étais pas trop chaud pour me passer. J'étais toujours fatigué. J'étais accusé pour manger une salade et les profs, ils m'ont dit, mais c'est sérieux, vous êtes fatigué. Et puis, je pense que derrière, il y avait Lilian qui devait te chauffer ouais. Un petit peu. Te chauffer un peu. Tout le temps, Lilian, ça, c'est sûr, oui. D'ailleurs, le titre de 99, donc, pour moi, un des plus beaux souvenirs de ma vie de supporter. Déjà, tes souvenirs de ce titre-là, de cette saison qui était de folie, de folie furieuse, avec un premier match contre Paris, on gagne 3-1 à domicile avec un but avec de Okocha d'une autre planète, mais derrière, avec la première de Benarbia, Viltor de... Mikou, je crois. Oui, mais Mikou, mais il y a un doublé de Viltor et un but de Benarbia. Lilian, premier but. Lilian, premier but, oui. Longue ouverture. Lilian, avec le Vence, il fait un décalage, frappe, but, 1-0. Et si on fait 3-0. 3-1. Ouais, après, il y a Okocha qui revient. À la fin, avec Gires comme coach de Paris. Il y a aussi ce Bordeaux-Marseille. Il y a aussi le 6-0 contre Metz avec le triplé de Lilian. Et ben, moi, je me rappelle surtout de la fin de saison où il y a un enchaînement de matchs. Avec je crois Lens, que c'était Lens, Toulouse, ouais. Monaco. Dans le même temps, Marseille va perdre. Enfin, on bat Lyon, je crois, ou Lens à Lens, un 4-3, je crois, un truc comme ça, ou un 3-2, je sais plus. Dans un scénario complètement improbable. Ouais, c'était quand même quelque chose de, c'était quand même une saison assez, tout le monde a tout écrasé, Viltor de l'Aslande, ils ont fait nous, on avait une ambiance d'abord, qualité, bien sûr, on s'est bien préparé, et c'est capital, de notre génération, de cette époque où on a eu le titre, on n'a même pas posé les questions. On a ambition au jeu, l'Europe, mais on n'avait pas trop de pression. Donc, quand on a enchaîné les matchs, chaque match, même, on n'est même pas pensé au titre. C'est vrai, à la fin de saison, la trêve du match à la fin, c'est un peu, mais on n'avait aucune pression. C'est vrai, au fur et à mesure, deuxième partie championnat, quand certains matchs, on est perdu, tout ça, on s'est mis la pression, mais on avait une groupe super. On a une défense, milieu défensif, les gars. On est une ambiance dans l'équipe énorme. Ça se sentait, nous, de l'extérieur. Ah ouais. Ça se sentait vraiment. Alors peut-être Cyril, bon, Marc, non, parce que t'avais 12 ans, mais Cyril, sûrement, t'étais là peut-être le soir quand vous rentrez à l'Escure après le titre à 3 ou 4 heures du matin. Cyril, enfin, moi, j'étais là, Cyril aussi, sûrement, tu devais être présent. C'était un truc, mais de ma vie, j'ai jamais revécu un truc pareil. Et pourtant, des matchs, on en a fait, des déplacements, on en a fait, on en a vu des soirées, des machins. C'était quand même quelque chose. Les portes, elles ouvraient à 10 heures du soir. Et alors, je sais pas si t'as eu dont t'as expliqué après comment ça se passait, mais nous, toutes les heures, t'avais le speaker, il venait sur le même, les joueurs sont dans l'avion à Paris. Alors t'étais là, allez, tu savais plus que 3 heures, 2 heures, 1 heure, et puis, mais c'était un truc phénoménal. Mais on sentait, vraiment, il y avait un truc dans ce groupe que voilà, c'était une bande de potes, c'était voilà, ça. Alors, on peut pas être amis avec tout le monde. Mais cette année-là, moi, j'ai vécu mes plus grandes joies et ma plus grande déception de supporter. Parce que je suis persuadé, je suis persuadé que cette année-là, on peut être champion d'Europe. Ouais. Le match autant, Parme, autant au match aller, on les bouffe à Parme. On les bouffe à Parme. On les bat de l'un. Je me rappelle Stanić, qui on a joué à sélection à l'époque. Stanić, il jouait à son corner avec Turin, mais il me pose des questions, il dit, qu'est-ce que vous êtes dopé ou quoi? Corner 2-0, mais il dit, putain. Non, ça c'est Crespo, pour vous, ça. Crespo qui nous met une matière à la fin du match. Ouais, et derrière. T'avais Chiesa, Crespo. Mais attendez, mais quand même, on va rappeler qui était Parme, parce qu'il y avait Turam. Buffon, il y avait Benarivo, il y avait Cannavaro, il y avait Turam, il y avait Véron, il y avait Signori, c'était hallucinant. C'était le Parme, mais qui était, c'était le Milan AC de 96. Exactement. Ouais, c'était une grosse équipe. Et à l'aller, on les mange. on les démonte. Et tout d'un coup, et on tient une mi-temps à Parme et on explose. Et de ma vie, c'est ce match-là, je crois que je me demande même si j'ai pas pleuré à la fin du match devant ma télé parce que. Alors, à Lyon 2009, ça fait mal aussi. Ouais, mais c'est pas pareil parce que je savais qu'on allait pas finir champion d'Europe. Alors que cette année-là, moi, je me voyais champion d'Europe. Et je sentais qu'il y avait la qualité. D'ailleurs, la seule équipe à avoir battu Parme en Coupe d'Europe, ça a été Bordeaux. Oui, c'est ça. Puisqu'ils ont battu Marseille après en finale. 3-0. Il y avait même pas eu photo. Ouais, ouais. Oui, mais après, c'était toujours, je sais pas, c'est le foot. Mais oui, c'est vraiment une équipe très forte. Je me rappelle quand on a commencé le match. Je pense qu'on était mal préparé. On avait juste une occasion au premier mi-temps, premier 15 minutes. Et après, j'ai vu, même avec Yeruel Kart, je sentir vraiment, vraiment, ils ont été très, très forts. Mais toutes les sens. Ils ont été très motivés, poussés par les supporters. Mais après, on n'y arrive pas à le jouer, même défendu comme il faut. Je parle de l'équipe, mais c'est un peu, c'est une grosse, grosse déception de notre part. Quand on perd comme ça, enfin, le score, je crois que c'est 6-0. 6-0, ça, ouais. Voilà. On s'en souvient encore ou on passe à la suite et puis passe là quoi. Oui, bah ça qu'est-ce que j'apprécie une culture ici, même à Europe en général. Bon, je parle à France bien sûr, j'ai toute la marque arrière ici presque. Parce que chez nous, même à Partizan Belgrade, à Monténégro, quand tu joues, Partizan, quand tu perds un match, c'est fin de monde, c'est une analyse de fou, appelée. Faut tout changer. Mais c'est incroyable, c'est impression. T'es un cheveu gris au bout de 3 jours encore. Même si je l'avais, mais t'es toujours quelque chose. Mais c'est pas possible. Mais ici, c'est vraiment super. Tu fais une super analyse, tu perds, c'est dur. Mais après, c'est quelque chose. Si j'apprécie, c'est pour ça que je veux beaucoup progresser. Tous les domaines, même comme personne et humain, tout ça. C'est la culture à France parce que tu donnes 100%. Et je me rappelle l'année qu'on était, gagné contre, pour mon premier match, on a gagné contre Monaco. Deuxième match, on a perdu 3-0 contre Metz. Mm. Et je me rappelle, je l'avais dans l'avion, après le match, j'ai mis une capuche, j'étais même pas. Il n'y avait pas les casques encore à l'époque. C'était le grand Metz, avait Robert Pires et Cyril Pouget. C'était pas le Metz d'aujourd'hui. Champion de France. Champion de l'année d'avant. Ouais. Et après, moi, je pose une question au président, il dit qu'est-ce qui arrive, est-ce que tu as mal à la tête? Non, on est perdu. Il dit c'est pas grave, c'est rien, c'est bon. Perdu. Mais ça, c'est quelque chose vraiment super. Appeler, tu passes l'analyse, c'est autre chose. Mais c'est vrai que là, ça va être une certaine trace, psychiquement, surtout, tu perds 6-0, tu as déjà occasion pour peut-être gagner le groupe FA, pourquoi pas. On avait une équipe super, on est joué très bien, on est battu déjà 2-1. C'est une grosse déception, mais c'est vrai, tu passes au côté, ça fout ça tellement vite. Hein, donc, Vous aviez ce sentiment, t'inquiète Marc, vous aviez ce sentiment, nous on avait ce sentiment dans les tribunes, que moi personnellement je l'ai retrouvé ce sentiment que 10 ans après, en 2009, avec l'équipe Gourcuff, Blanc, machin, tout ça, on avait ce sentiment, avant même que vous rentriez sur le terrain, allez, c'était 90%, c'était fait. Tu vois ce que je veux dire, ce sentiment d'une telle force que dégage aujourd'hui un Real ou des grosses équipes comme ça, ou même le PSG ou Monaco en France, ce sentiment que voilà, il y avait une espèce de force comme ça. Je sais pas si à ton niveau ça se ressentait, je sais pas, dans les vestiaires, dans le tunnel vis-à-vis de l'adversaire, tu vois. C'est exactement ça. Avant de rentrer, de dire à l'adversaire, voilà. Vous avez bien analysé ça, c'est exactement ça. Parce que même en sélection Yougoslavie, quand on jouait comme ça, on a une équipe Stojković, Savicevic, on avait une équipe de. Mais c'est vrai que vous avez un peu des contractions pendant une semaine d'entraînement, vous pensez bon à eux ils vont faire. Mais par contre avant le match, 2 jours avant le match, à vestiaire, et un frisson parce que quand on se prépare avant contre l'Espagne devant 90 000 personnes, même Raoul, tout le monde y craint, Luis Enrique et tout ça. Nous on avait une équipe, c'est ça la force de nous, et à chacun de nous à Bordeaux, on apporte ça, et c'est tu peux motiver les joueurs comme ça. Si ces joueurs ils sont pas, ils mangent casque, ça me dérange pas. Mais les terrains, s'ils savent pas les herbes, s'ils dansent à 100%, à moi c'est notre musique. Bon, après il faut l'expliquer, pour être brut non plus, il faut la génération est changée. Mais Cristiano Ronaldo, pourquoi Messi, on peut pas, c'est notre. Pourquoi ils sont très forts? Parce qu'ils sont très conscients, ils 24 heures ils sont concentrés dessus. Et puis les gens, ils ont un complexe par rapport à eux. Exact. Mais ils se préparent, ils te montrent, ils te mangent, mais ça. Après, on peut parler des heures. Oui, il fait ci, oui, parce qu'il neige. je peux pas manger du yaourt. Justement, tu parles de la génération, et c'est ce que je voulais revenir sur l'autre petit point que tu as abordé tout à l'heure. tu disais quand t'as bien aimé en France le détachement qu'on pouvait avoir après une défaite sans forcément culpabiliser pendant 40 jours et passer à autre chose, analyser le match mais aussi savoir passer à autre chose. Et aujourd'hui quand on regarde les jeunes, ils passent très vite à autre chose après une défaite. Nous on l'a surtout vécu l'an dernier sous les Seignolles. On perdait 6-0, mais trois jours après, ça avait pas l'air d'avoir... On en reprenait quatre. Est-ce que le fait de dire aussi que ça pouvait être un petit peu grave de perdre, est-ce que ça forme pas non plus aussi des compétiteurs? C'est la manière. Tu peux perdre, on est perdu 6-0. Mais on s'est réunis à la vestiaire, on a remis le prochain match. Parce que les petits gens, même mon fils ou les autres... Je vais être pas brut, il faut prendre la parole. Et qui prend la parole? C'est la sienne, c'est les joueurs comme ça. On peut perdre 4-0, appeler, tout va bien, on parle, mange les huîtres sur le bassin, ici, il peut supporter très très bien, ouais, c'est pas grave, et les gens, ils rirent, ah, ils rient pas, mon grand, parce que là, on va, il faut être au charbon, il faut se réunir comme ça vite fait, garde les yeux, analyser, reste les entraîneurs, les staff techniques, analyser comme il faut. Mais c'est pour ça, je reviens toujours sur les Zidane. Je me rappelle ici, au début de l'Oise, Zizou, il est jeune. C'est rien à voir. Si tu as un train d'analyse comme Van Gaal, qui est très bon entraîneur, Guardiola, qui est très fort. Et si tu entres dans l'analyse et tu pars comme une livre dans la bibliothèque, ça sert à rien. C'est un bon staff technique, surtout psychologiquement, tu prépares l'équipe comme il faut. Analyse le match. Analyse toi-même aussi comme entraîneur. Parce que moi, bon, je suis pas maintenant là, je suis pas Zinedine. Mais Zizou, comme il gère l'équipe, comme il gère Cristiano Ronaldo, son ego, parce qu'il n'est pas ego, c'est un gagneur, il adore les gagner, c'est un mec humain, il peut parler Cristiano, il est pas bon, c'est un mec humain, c'est un mec qui est 24 heures, il est 100% dedans, c'est lui qui amène l'équipe, et je suis complètement d'accord avec Christophe Dugarry, je mets une analyse énorme. Moi, ça m'est choqué, Verratti, mais Griezmann, qui j'adore comme joueur. Ouais, mais écoute, je parle à notre club, et c'est le club qui m'amène le titre. Allez, mon grand. Non, c'est, il faut tutoie comme Cristiano Ronaldo. Moi, j'amène l'équipe, Atlético Madrid, je gagne quelque chose. Je pas mais comme ça, je viens, je sais pas, au Médoc et je gagne avec l'équipe Médoc. Non, c'est pas ça. Il faut juste, toi, personnellement, t'es fort, ok, amène-moi avec mon club, je gagne. Comme Cristiano l'a fait. 12 ans à la file, c'est pour ça que je viens. Zizou, c'est très important la compétence entraîneur, comme il gère, et surtout, comme Ramos, vous pensez pas à Ramos, il prend la main, je sais, moi, il prend la parole, et lui, il rigole pas. Par contre, lui, c'est 2000%. C'est, je peux un peu rigoler, mais lui, il mange un gilet de 15 heures, là, il renvoie le mec, hein. Donc, c'est mais ça, il faut des mecs comme ça. C'est pas dans le groupe et pas dans quelqu'un qui parle pas, qui prend parole. Oh, on est perdu, tout va bien. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On mange 10 heures à la corniche. Mais tout va bien, hein. Ah, non, tout va bien ici, t'es tranquille. Ah, non, ça, mon gars, non, il faut, je vais pas dire, dans la cave, prendre des kalachnikovs, tout ça, je vais pas dire ça. Mais il faut prendre un peu. Oui, il faut avoir conscience quand même que. Mon ami, tu entraînes sur la chaleur 40 degrés, pour tu un peu réfléchir la chose. Donc toi, tu avais ce rôle de, avec peut-être Michel Pavon ou de Michel, moi, je me rappelle Michel Pavon, il va me prendre parole, j'ai pris une carton rouge, vraiment très, très grave. J'ai pénalisé l'équipe, contrôlé, on est perdu 3-0, dernière minute avec, défenseur, je mets un coup de, je prends un carton rouge. Eli Bob, il a dit rien le lendemain. Et Michel Pan, il a pris la parole. Il m'a pas parlé mal, mais il dit, Nino, excuse-nous, je t'aime, t'es un mec super, mais c'est grave, qu'est-ce que tu as fait? Tu pénalises l'équipe, le monde, tu payes l'amende. Et j'ai rien à dire, parce qu'il avait, raison. T'as compris que c'était, voilà. Mais bien sûr, mais il fait, mais c'est ça. C'est ça, le foot. Ah, sinon, tu joues tennis, tu joues badminton, individuel sport, c'est autre chose. Mais là, foot, c'est comment? Après, chacun fait un... Si ça va pas, Lilian, pourquoi Lilian l'instant? Parce que je suis, parce que c'est mon milieu ami, c'est mon frère, je parle comme ça. Pourquoi il a pris la Nice? Lui, à Nice, à la fin de carrière, hein, même Antonetti, trois fois par semaine, il s'est pas entraîné, parce qu'il a des gens avec qui il a sa fille et là, sa famille est ici. Par contre, ce terrain, c'était, mais à Bastille, pareil. Et c'était celui qui apporte. Mais par contre, lui, Lilian, qui prend la parole, qu'il a pris la parole à l'époque à Nice, à Bastia, c'est pas rigolo, il peut être plus fort au monde. Parce qu'il dit les choses comme il faut. Ça apporte une crédibilité aussi quand on parle à un groupe. Mais c'est obligé, sinon, voilà. Les jeunes, mais si ça va pas, mais qui sort? Après, qui va jouer CFA contre Lormont ou comme ça, qui prend un coup, qui vient de jouer un peu Yougoslavie? Tu vois comment ça se passait, la musique? Donc ça, c'est toujours, il y a pas l'entraîneur, il peut le dire les choses, il peut l'expliquer les choses, mais c'est les groupes, c'est les paroles. On peut brassard, tu peux m'embrassard, comme ça, tu es à Binexpo avec brassard, oui, ça va bien, t'es beau, t'es magnifique. Mais par contre, quand t'es utile sur terrain, quand t'es un guerrier, même tu fais un mauvais match, c'est pas grave. Et prendre la parole, c'est tout. à pleine mauvaise période, et ça existe tout le monde. Hein. Tu trouves aujourd'hui que les joueurs sont trop, entre guillemets, peut-être protégés, on n'ose pas peut-être pas leur dire qu'ils sont, bah, comme tu oui, nous as expliqué, on n'ose pas leur dire que là, ils n'ont pas été... Bon, une nouvelle génération, il faut changer. Mon fils aussi, 19 ans, ils sont... Moi, je n'ai pas de tatouage. Ça, c'est un truc. Mon fils est tatoué comme une Bible, et toutes les bras. Donc, bon, c'est chacun son truc. Ça, c'est Didier Deschamps, comme il gère le groupe, c'est extraordinaire. Ça, Instagram, c'est notre musique, ça se passe tout, ça me dérange pas. Par contre, Instagram, s'il me dérange, il est toujours sur Instagram, il fait un mauvais match tout le temps, voilà. Comme il dit Mourinho. Ça, je suis pas d'accord. Après, il peut monter sur la tour Eiffel avec selfie comme ça me dérange pas. Si lendemain, il est présent bon. Sur ballon, voilà. Ah mais ça me dérange pas. Mais moi, je donne, comment ça s'appelle, le nœud pour qu'il se monte sur la tête. C'est juste ça, il faut gérer ça. Après, je peux pas dire, ma génération, c'est ça, eux, ils sont comme, non, la génération, c'est changé. Différent. C'est différent. Internet et les Facebook et vie quotidienne complètement changée, géopolitique aussi. C'est comme ça. Il faut accepter. Par contre, il faut s'adapter. Mais le réel, c'est 11 contre 11. C'est ça. Tous les samedis. Voilà. Mais moi, ça me dérange pas les mèches comme ça, ça me dérange pas. Si t'es bon. Mais si t'es bon. Mais tu m'as dit, mon ami, pas de problème. Par contre, si t'es pas bon, ah, j'analyse tout de tout. Mmh. J'analyse ton téléphone, j'analyse tout. Mais... Non, mais on rigole, mais moi, vous me connaissez, les gars, on en parle souvent entre nous. Moi, je suis complètement en osmose avec ça. Le mec, il peut aller faire un aller-retour sur la Lune le lundi, revenir le vendredi. S'il est bon le samedi. S'il me dit, j'ai mal le cuisse, là, mal le cuisse, tu vas payer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais jouer avec eux? Est-ce que le Nino Savedjic de 96-97 en termes de mentalité pourrait jouer aujourd'hui dans un en termes de mentalité dans un vestiaire? Il faut physiquement c'est notre débat. Non mais avec les caractères des joueurs d'aujourd'hui. Ah mais oui, est-ce que tu... mais avant c'était plus difficile défenseur. Maintenant je pense mon expérience, mon style de jeu, c'est plus appliqué maintenant comme avant. Avant c'était technique, j'étais correct, bien. Non, je parle pas de football, je parle au niveau du vestiaire, au niveau des petits, des jeunes qui écoutent pas forcément les anciens. Il n'est pas écouté, il n'y a pas de souci, moi, ça ne me dérange pas, il n'est pas à me garder comme je suis Tito, je suis pas communiste. Il ne m'a pas gardé comme ça, comme le fou. Mais il va comprendre la musique. Il faut prendre la parole, si il écoute pas, il râle comme ça, c'est son problème. Mais il faut qu'il monte sur le terrain. C'est point barre. C'est moi, je, 30 ans ou 26 ans, moi, naturellement, je donne expérience. Parce que moi, tu peux pas parler tout le temps, et tu fais rien. Donc. Parce que moi, ce que je ressens à Bordeaux, on a un joueur de très, très grande expérience qui s'appelle Jaroslav Plazil. Oui. Je le vois, des fois, sur le terrain, parler à des jeunes, comme Adam Ounas ou autres. On a l'impression que les mecs. On a l'impression qu'il y a un monde d'écart entre Plazil et Ounas. Oui. Et que, il y a vraiment rien qui les, rien qui les réunit. Quoi. Alors Ounas, c'est un exemple. Hein, Ounas ou la nouvelle après, génération. Après, c'est chacun personnalité, parce que Plazil, il montre ce terrain. Moi, je me rappelle, j'ai un joueur à Guingamp, il est super gentil, mais il est fou. Il est fou dans l'Inter. Et même Blaise Kouassi, qui aime Côte d'Ivoire, il est fou. Il n'est même personne, un seul qui le calmait. Je n'ai pas dit moi. Hein. C'est un seul qui le calmait, c'est moi. Moi, je l'ai pris une fois comme ça, mais j'ai dit on mange. Et je l'ai expliqué face to face. Pas par rapport à moi. Par rapport à son jeu, me dit mon ami, où tu joues, tu respectes pas, tu as plus joué ici, ou tu vas à un supermarché avec ton chariot Guingamp, parce que ici, on va se voir par le jour 40 fois. Et Dieu sait que c'est pas grand, Guingamp. Mais mon ami, où tu joues, tu vas, où joue au Maroc ou Tunisie chez toi, et c'est fini. Et c'est ça le problème. Il faut prendre pour appeler Plazil, c'est vrai, chacun, c'est différent. Comme tu sois la sensation sur le terrain, il faut montrer la différence, même les voix. Et après, c'est vrai, moi, j'ai un caractère, Mirković aussi, partisan Belgrade. Il nous connaît comme ça. Hein. Mais après, c'est ta nature, c'est comment tu apportes. Même, c'est pas parce que moi, je force les choses. Ce que je sens, moi, je pense pas jamais moi. Moi, je m'en fous, je m'en salaire, je m'en petite maison à Saint-Aubin, un petit coup de vin. Non, c'est le résultat, l'équipe. C'est tout. J'enchaîne. Du coup, je vais te demander dernière petite question sur Bordeaux. Est-ce que tu peux nous dire ton meilleur souvenir que tu as eu au Girondins de Bordeaux et après ton pire souvenir forcément. Mon pire souvenir, j'ai rien dessus, c'est Parme 6-0. C'était sûr et certain quand que j'ai pris le ballon, c'est le sixième but avec la main. Ouais, mais on s'en fout, c'était le sixième, c'est pas grave. Ouais, t'entends un coup de sifflet? Ah mais oui, j'ai entendu derrière, mais pour mon fils, mais on pose des questions maintenant. Il était plus mon fils, il n'est pas né. Il ne peut pas qu'il t'arrive. Et sur YouTube, c'est marqué, je dis. Surtout, je t'ai fait chambrer pendant des années avec Christophe Dougary, avec oui, parce qu'il m'a mis les gants avec les Yuri Kramé, tout ça. Donc, ouais, voilà. C'est pas grave, c'était le 6ème, 5 ou 6, ça aura pas changé grand chose de 12 ans. Et puis ton meilleur souvenir, donc? Champion de France. Paris. Champion de France, Paris. Et aussi, je remercie, encore peut-être vous avez oublié, je vous remercie, surtout, particulièrement, quand j'ai perdu mon frère, j'étais pas là. Là, que vous rendez l'hommage de ma famille, avec les bougies, tout ça, jamais j'oubliais ces liens l'époque où on voyait l'image, tout ça, c'est quelque chose que j'oublie jamais, hein. Ça, c'est émouvant et c'est quelque chose, moi, c'est, quand je dis ma famille, tout ça, les gens, les choses, ils oublient souvent, moi, j'oublie jamais ça. Et ça, tu sais, nous, on va pas s'étendre trop là-dessus, mais ce qui s'est passé après ça, le match, je crois que c'est à Toulouse. Le match ça, juste c'est, après ça. C'est les bombardements au temps, quand j'étais. Tu sais que ce match a marqué beaucoup de supporters. Enfin, j'en ai parlé samedi, et puis on en parle souvent. Ce match a marqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans ta façon dans ce jour-là, oui, ça s'explique dur. Même pas. C'était voilà. Pas, c'était tombé même année, la divorce, que perdu mon frère, c'était grand chanteur du Monténégro, Yougoslavie. Et après, quand c'était le match qu'on est normalement joué contre Croatie, le match est annulé. Et les deux joueurs qu'on a décidé de rester, c'est moi et Mirkovic. Mirkovic, la frontière était ouverte jusqu'à la Hongrie, vers Budapest. Donc je me rappelle, j'appelle Charles Camporo et ma chambre compagnie. Il dit, Nino, arrête. Il était la bombardement, ils m'ont commencé à 20h10, 20h20. Il me dit, non, Charles, écoute, tu vas de la même maison. Tu sais pas, tu vas dans une humanitaire. Je reste ici avec mes parents, avec les enfants, avec surtout avec des amis. Bien évidemment, enfin, tout le monde. Il dit, tu rigoles, mais non. Et donc, le avion que j'ai pris 20h30, c'est l'avion que on disait le bombardement a commencé à l'aéroport. Donc par contre j'ai toujours rigolé de ça, c'était pas rigolo, mais j'étais plus vite comme Thierry Henry, Ronaldo, hein, je dis pas quand je courais que la piste et toutes les tomahawks commencent à tomber sur la piste, tout ça, j'ai c'était chaud, c'était presque mort, c'était toutes les bombes qui tombaient à côté de moi. Et après bon je suis venu, après je me rappelle Eli, bon, il m'a posé des questions, il dit est-ce que tu es prêt à jouer, on les joue 100%, c'était déjà. C'était mourant quand même. Et c'est un mais souvenir. Cette force que t'as montré a vraiment marqué beaucoup de gens. C'est ça qui fait aussi que t'es extrêmement apprécié ici à Bordeaux. C'est ce que t'as dégagé sur ce moment-là. Moi, perso, ça m'a marqué. Je donne Girondins, je donne Région et je donne des coups. Ça va être jusqu'à fin de temps, comme on dit, jusqu'à fin de mort, que je travaille sur les prêts de projet et tout ça. Je parle pas que moi, et même on parle après pour mon projet d'école de foot académie. On va en parler. Là-bas, c'est bien. Monter les régions. C'est que pas moi, Nino Savegi, non. C'est région, c'est de Bordeaux, c'est à la France. Je suis français, je suis fier d'être français depuis 2003. Donc lendemain, je peux être que je suis plus français, mais je vais mourir pour ce pays. Donc quand je veux aussi, je parle pas négatif. Qu'est-ce qui se passe en ce moment de terrorisme Moi, si je. Je dis souvent, si je vois quelque chose. Il va pas aller bien loin, le mec. Je le chope. C'est tout. Il va pas aller bien loin. Et puis, donc, on va passer après Bordeaux. Tu fais plusieurs clubs en France. Tu retournes finir ta carrière Sochaux, en Partizan. Ouais. Et en 2007, tu arrêtes ta carrière, il me semble. Ouais. Et puis, du coup, pendant 10 ans, il me semble que pendant 2-3 ans, tu arrêtes tout ce qui se passe dans le monde du foot. Et puis, tu reviens par le biais de. Comme agent, il me semble que tu. Non, je réfléchis. En fait, j'étais tellement fatigué, j'ai pris une rancune pendant 4 ans, parce que ma fille a plus décidé de venir ici, passer l'école bac, au moins en France. Et après, avec Lilian, on était monté à faire ensemble ici. Et quand même, après, je commençais un petit peu plus discrètement à conseiller, pas mal les gens, ils m'appelaient, de certains joueurs de Balkan. De Partizan, de Hajduk Split, de Tout Rouge, Dynamo Zagreb. Et depuis 12 ans, je décidais, parce que je joue toujours sur la sensation. Donc, je décidais, bon, je vais au milieu de foot, c'est vrai, ça prend un peu de temps. Je passais la licence UEFA après la Fédération de Serbie. 8 mois, je passais l'examen UEFA licence. Et en fait, je réfléchis en même temps, est-ce que je prends un club pour commencer à Yougoslavie? J'étais pas très chaud parce que bon, la situation n'était pas très claire, très, très, très bon là-bas. Donc, j'étais parti aux États-Unis. Il y a un challenge pour moi qui est très clair. C'est notre monde. Mais plein développement. Donc, je suis ouvert aussi pour la France. Je relançais maintenant, bon, d'abord mon image pour je suis prêt aussi. On sait jamais si quelqu'un qui me contacte pour être entraîneur. D'abord pour les jeunes ou pour seconde équipe ou comme ça, ou aussi, pourquoi pas, recruteur, parce que j'ai plein de gens, je suis ouvert pour toutes les pistes. Mais je suis déjà sur un projet vraiment très, très réel, très concret. Aux États-Unis. Des États-Unis, exact. C'est ça. Est-ce que tu penses que la transmission de la formation un petit peu yougoslave, c'est-à-dire tout ce savoir-faire, ben je sais que à Bordeaux on a Pierrot Labatte qui a passé de longues années à travailler avec un coach yougoslave et qui fait ses exercices, Pierrot Labatte quand même qui est un éminent formateur en France et qui est par bonheur à Bordeaux, parle beaucoup du football yougoslave. Est-ce que c'est quelque chose qui est transmissible, tu penses, ailleurs qu'en Yougoslavie? Mais c'est exactement ça, parce que la base de l'école de Yougoslavie, c'est Ante Mladenić, yougoslave croate. C'est lui qui l'a remarqué, on peut dire le territoire, même aujourd'hui, centre de formation s'est appuyé dessus avec travail technique, parce que c'est un entraîneur, notre travail technique, c'était vraiment devant l'époque pour les gestes, pour la coordination qui était inoubliable. Donc Pierrot Labatte, j'utilise bien sûr, j'ai souvent un téléphone. Lui, il est remarqué déjà en territoire, comme on disait. Aux États-Unis, il est très, très demandé aux États-Unis. Très demandé. Déjà, discutais beaucoup de lui. J'ai aussi travaillé dessus avec son programme pour mettre en place, pour éduquer les jeunes. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je suis très ouvert pour ça. Et c'est un immense projet parce que les équipes féminines, équipe masculine là-bas, jouent ensemble dans le même club. Parce que aujourd'hui, moi, je pense qu'on mise beaucoup plus sur l'athlète que sur la technicité de l'homme. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, dans le football moderne, non, on peut remettre le ballon avant le... C'est l'athlète, c'est toujours, comme je partage, Pierrot est d'accord avec moi, mais c'est lui, d'accord. Pour être bon athlète, il faut être bon technicien, parce que tu peux courir comme Forrest Gump des heures. Si tu sais pas taper dans un ballon. Si t'es techniquement mal, après tu es athlète, tu as aucune sensation. Donc appeler l'athlète physiquement bien, c'est d'abord travailler techniquement. Et après c'est vraiment une base, appeler la physique, les exercices qui sont très importants pour améliorer les coordinations, des puissances, appeler la tactique, tout ça. C'est parce que moi, je développe quelque chose. Tous les exercices sont avec les ballons. Énorme, surtout à Bordeaux. Je remercie encore, je parlais déjà beaucoup, Jocelyn Gouvernec, le président, et Eric Blaïc, qui m'a donné un feu vert pour participer, regarder toutes les séances, même huis clos, tout ça. Donc, j'ai eu un boulot énorme. J'ai eu un foot complètement changé. Un staff technique qui s'applique dessus, c'est incroyable. Donc la participation des joueurs, les staffs médicaux, les clubs complètement, c'est énorme, c'est extraordinaire. Donc c'est pour ça le travail technique avec physique, tout ça, c'est la base. La technique, c'est les joueurs, même aux États-Unis, quand je parle beaucoup, techniquement t'es pas, physiquement c'est pas la peine, donc cette technique c'est la base du football en Yougoslavie, c'est technique. les deux pieds c'est les deux pieds, c'est obligatoire, c'est le toucher de ballon, petit pas, c'est ça la différence. Quelle différence Zinedine Zidane d'un joueur, parce qu'avant l'équipe sur le ballon il a toujours les trois solutions et la base c'est la simplicité, parce qu'il contrôle mu balle, donc contrôle passe, et pour contrôler bon ballon, ça c'est le boulot, hein. Donc on arrive toujours sur la base. Les joueurs qui maîtrisent le ballon plus rapidement avec un très bon travail technique, même défenseur, tes solutions plus rapides. Tu rends le ballon plus vite. Si tu prends le ballon avec même pied, tu réfléchis, tu regardes. C'est mort. Après, les joueurs viennent au pressing. Donc c'est ça, la base, c'est ça. C'est vrai, c'est difficile. Même moi, quand j'étais au Girondins, on a participé souvent à l'exercice. C'est pour joueurs plus âgés, c'est nuant un petit peu, mais c'est obligatoire, ça. Ça réfléchit la technique et c'est une base, c'est obligé. C'est comme ça. Donc c'est la base de ton projet, un peu aux États-Unis? Ça, c'est sûr. C'est une base de projet. Je travaille beaucoup et je voudrais surtout développer les régions, parce que ça va développer des gens à Washington que je discutais, et Discovery Channel, ils voulaient faire une émission, avec moi, pour le projet, parce que ça va être d'abord, je pense, une seule équipe féminine qui existe avec un très bon résultat, avec un Serbe qui est un super résultat avec l'équipe féminine. Et pourquoi pas cette équipe, les joueuses amènent ici à France pour aussi donner l'importance. Mais je ne peux pas parler de toutes les... On est en train de négocier avec un club très important pour moi aussi. Et je pense qu'on est sur un bon chemin pour se mettre d'accord. Et moi, je travaille sur la longue durée pour développer le nom ici, là-bas. Et imaginez là-bas, avec un États-Unis comme c'est tellement grand et plein de développement, vous utilisez un nom de club qui est avec une tradition et surtout région. Et je peux parler de rugby, je peux parler de vin, je peux parler de toutes les supporters. C'est plein de développement. Pourquoi spécifiquement les États-Unis? C'est une opportunité ou t'as ciblé vraiment? Ciblé parce que c'est nouveau. C'est plein de. C'est en pleine expansion là-bas. Oui, exact. Et moi, ça va toujours marcher parce que c'est immense, les États-Unis. Quand j'habite là-bas, ça fait combien 8 mois. C'est vu l'importance, la sportive. Moi, je l'ai posé le dossier pour la Green Card le 16 mars. Je l'ai lu le 30. Donc, c'est qu'est-ce qu'il aime le sport. J'étais impressionné. États-Unis, je suis très, très, très content. Et c'est un pays avec un système qui est tout le monde concerné. C'est énorme. Donc, une potentialité, c'est même financement, même droit image, même développer les joueurs, les joueuses. C'est même pour la région, je parle de région, je parle de tout. Donc, toi qui a vécu donc aux États-Unis, qui a vu le football américain, est-ce que les Américains aujourd'hui auraient leur place dans des clubs européens? Non. C'est pas encore au niveau ou en Ligue 1. Non, honnêtement, parce que là, ils pensent, c'est déjà bien, c'est que des business. Business, c'est business. Business, ils amènent les Cristiano Ronaldo pour vendre les maillots. Caca, pour amener un joueur, il faut. Si tu as une licence pour jouer à MLS, il faut 180 millions d'euros à te dire. 180 millions d'euros? Oui, mais comme Sandy, ils montent un club, 180 millions d'euros. Ils vont créer un stade, un club. Le problème, c'est, ok, c'est pas mal, mais il faut qu'un centre de formation derrière. Pour éduquer les jeunes. Mais je pense une équipe de les gens qui travaillent longtemps sur son formation en université, ils ne sont même pas éduqués comme il faut, mais c'est ça une occasion pour la France. Et là, ça fait 8 mois, la France, la fédération, ils sont très demandés de la participer. Beaucoup d'exercices à la programme de français, moi aussi je l'utilise, et aussi plein d'occasions pour monter le résultat, parce que là-bas c'est tournoi. Et après la ligue, donc équipe féminine, équipe masculine, avec les gens. Parce que là, déjà, dès que j'utilise le sept nom d'un club qui est très, très bon là-bas, j'ai déjà 7, 8, 9 équipes qui voulaient venir avec moi. Donc, vous imaginez avec Discovery ou CNN ou comme ça, où les joueuses viennent jouer ici ou à Lyon ou comme ça, quelle image. Et les maillots, les supporters comme ça. Donc, dans les prochaines années, on peut s'attendre à ce qu'en France, il y ait des jeunes joueurs. Comme on a des jeunes Argentins, des jeunes Brésiliens qui viennent. Morgan qui était là. Américain qui joue à Dortmund. Imaginez combien de les ventes les maillots là-bas, aux États-Unis. Il y a eu Donovan. Si vous n'avez pas les chiffres. Il y a eu Donovan qui a été un très très grand joueur américain. Ils ont une équipe nationale qui, moi je trouve, quand je les vois en Coupe du Monde, c'est pas la folie. Mais ils jouent bien. Ils jouent bien, mais je pense que leur fédération, ils sont laissés partir Klinsmann. C'est une grosse erreur. Parce que Klinsmann, ça fait 2-3 ans, il a travaillé sur l'université et l'académie pour créer une école. Mais le problème, c'est l'Amérique se perd 2 matchs. Et je trouve là, je joue contre Serbie et contre 3e équipe Serbie. Et c'était, je pense, un gros problème là-dessus. Tu parles du football américain depuis tout à l'heure et à chaque fois, tu parles des masculins et des féminines. Quelle importance tu apportes au football féminin qui est pas forcément le football, on va dire, le plus regardé, pas celui qui est le plus médiatique, mais quelle évolution tu y vois à ce football? Mais ça commence en France et j'ai entendu à droite télé Canal Plus, il va, je sais pas combien il va amener l'argent dessus parce que FIFA, il est obligé à les clubs européens s'appliquer dessus pour motiver, pour encore développer ça. Et déjà, Lyon, il a fait. Paris Saint-Germain aussi, Barcelone. Ça commence, même Gironde et Bordeaux aussi. Bordeaux l'a fait à cause de ça, justement, parce qu'il payait une amende à chaque fois. Exactement. Donc, les sponsors, ils commencent à tourner au foot féminin. C'est vrai, moi, que je suis entraîneur, bon, j'ai rien. Je toujours préféré, bien sûr, entraîner l'équipe de masculin. Maintenant, l'entraîneur de l'équipe féminine, je veux mon copain, il entraîne l'équipe là-bas féminine. C'est incroyable comme ils s'appliquent au niveau tactiquement, les techniquement, les rigueurs d'entraînement, mieux comme les garçons là-bas, aux États-Unis. Les Américains sont les meilleurs, et la meilleure équipe exact. Du monde. Mais en France, ils passent devant, cause de et très bons, les Français, ils passent devant eux. Mmh. Mais c'est ça, et maintenant, un compromis entre les États-Unis et France. Pour les joueuses américaines, ils viennent ici. Mmh. Et ça donne, au niveau des popularités, dans la région, bon, énorme. Vous imaginez, un Américain, un Américain, quel jeune, il vient jouer ici. On a vu Alex Morgan à Lyon, enfin. Et pourquoi pas à Bordeaux? Mais c'est que de la bonne voie, de la terme, sur la longue durée. Moi, j'ai une vision réelle. C'est pas, on peut parler, ça, mais c'est quelque chose qui je travaille beaucoup. Je faisais une analyse de bureau de Washington. Études qui sont venues le marché de soccer, c'est incroyable. C'est une potentialité de fond. Oui, parce qu'ils sont à la naissance. Enfin, ça fait quand même quelques années, mais c'est le début, quoi. C'est exact, vraiment. Exact. Et surtout, les parents, c'est différent. Les parents, en fait, ils payent tout. Ils payent les équipements, les tournois, les déplacements. C'est un sport. Et vous avez là-bas le terrain incroyable. Terrain de loisirs, c'est que de galère. C'est certains terrains, allez, on peut, je sais pas, mais 95%, c'est. Les Américains, quand ils font les choses, on peut reprocher ce qu'on veut, mais quand ils font les choses, ils les font bien. Nino, il a raison, le moindre stade universitaire, c'est un stade de 25 000 places, quoi. Exact, ils sont tellement vite. Ils posent pas, ils connaissent pas les choses. Si tu fais un bon boulot, ils sont vraiment, vraiment, ils sont très rigoureux dessus. Ils sont très vite. Ils vont très vite. Et ils perdent pas de temps. Donc, dès que tu montres quelque chose de réel, concret, surtout France, c'est un pays extraordinaire, c'est une culture de sport, de tout, d'histoire. Quand tu dis Bordeaux, ça leur, quand tu dis Bordeaux, ça, à part le vin, ils connaissent Bordeaux, ouais, le vin. Tout, mais avec Internet, on montrait, mais ils connaissent pas de soccer. Ouais. Mais moi, quand je suis arrivé là-bas, Nino Sergi, il connaît rien. Il pense, quand je parle de Monténégro, il pense à Amérique du Sud. Il dit, oh yes, it's okay. Il pense à côté Paraguay. Mais c'est pas à côté Paraguay. C'est Europe. Donc. Oh, la gringo. C'est comme ça. Donc, non, ils sont vraiment, ils sont comme, mais par contre, si je montrais l'image des Girondins, Zinedine Zidane, Zizou, quand ils étaient champions de France, après, par contre, waouh, c'est entre musique, ils sont dessus, respect. Oui, quand ils voient que c'est quelque chose de, ah, mais oui, mais là, Sarasota, je participais à un tournoi, je vois les gens là-bas, comme ils jouent à AMG Academy à Sarasota, Raoul, l'été dernier mois, personne qui l'a reconnu, un seul qui l'a connu en 2017, moi qui l'a connu. Donc c'est comme ça, eux ils sont baseball, NBA, moi, Raoul, oui, voilà. Je m'évanouis. Ouais, non, mais voilà, mais Nino il a raison. Je promène comme au Ferré là-bas sur le Pacifique, ils ne calculent pas. Hein, bon, mais c'est ils ont ça, le bon. Football américain, le mais, baseball. Oui, mais ils sont comme ça et il faut accepter. Mais moi j'adore, Par contre, ils sont très très très gentils, très... ils vivent bien, ils sont nouveaux, donc ils l'aident, ils vont te aider, ils vont te discuter, ils sont très très, ils sont pas distants, ils sont vraiment, je suis très très heureux d'être là-bas, mais entre les deux, hein, entre Bordeaux et États-Unis. Et donc du coup, est-ce que tu crois qu'un jour un partenariat entre un club français comme Bordeaux et un club américain, ça peut être quelque chose d'envisageable? Ça peut être quelque chose qui pourrait. Je pense, oui. La négo, elle est entre Bordeaux et son club aux États-Unis. Il peut pas en parler, mais. Je pense, oui. Je pense que c'est jouable. Mais vraiment, je parle honnêtement. Beaucoup travaille dessus et je dis quelqu'un vraiment qui l'a compris de cette projet sur la longue durée, c'est le nouveau président. Je remercie encore. Discuter avec Jocelyn Gouvernec, je parle beaucoup avec le président et vraiment je remercie parce qu'il a compris, il était toujours disponible en communication et surtout pour analyser tout ça. Donc je peux pas parler de détaillé, mais je pense que c'est quelque chose qui est réel et créé entre les deux parties, je pense. Mais je parle sur la longue durée pour l'image, pour Bordeaux, Girondins Bordeaux et de Bordeaux, région de toutes les termes. De rugby, je parle de rugby, de Blaye. Aussi. Bien sûr, parce que bon, moi, je suis pas rugby, mais j'ai vu l'ambiance, l'état d'esprit, parce que sport, il faut développer le sport. Les États-Unis, ils parlent de sport, rugby aussi. Bon, c'est American football, c'est différent. Mais je pense, par exemple, un coup super mythe, Jean qui est un centre de formation, monte un club de Blaye et aussi top 14, comme ça, le Begle Bordeaux. Ça me fait plaisir. Aussi, les gens que je connais là-bas, les dirigeants qui sont super gentils, qui j'aime. Donc, on peut travailler sur tous les termes. Donc, c'est pas que ça, moi. Non, j'ai les régions, je pas dire ambassadeur, mais Pourquoi pas, on peut. Ça va se créer avec les résultats, mais je suis sur bonne voie. Vraiment, je vous remercie encore le président de Bordeaux, vraiment. En tout cas, Nino, on te souhaite évidemment de... Oui, Marc. Bon, ben, je disais, on te souhaite évidemment de réussir dans cette entreprise et dans ton aventure américaine. Et puis, pourquoi pas, comme le dit Cyril, un jour, pourquoi pas un petit jumelage, on verra des petits Américains débarquer, ils auront 16 ans, 18 ans, 20 ans, ça deviendra des stars. Ouais, pourquoi pas, ouais, je travaille dessus, ouais, pourquoi pas, merci, hein, merci. Et l'autre question, on t'a croisé à la saga des Ultras, donc déjà merci d'avoir répondu à notre invitation, et on t'a croisé en compagnie de Lilian Lachland, qui est un beau chambreur, mais qu'on aura aussi en septembre, donc... Comme tu passes avant, t'as la priorité. Est-ce que t'as pas un petit message pour lui, une petite anecdote sur lui, quelque chose pour le charrier, lui qui a l'air très très vanneur, comme on dit. Un truc racontable, hein. Ouais. Pour avec Lilian, ou c'est que des trucs pas racontables. Non, pas le casier de Darcheville, quoi. Non, pas avec Lilian. De toute façon, chaque fois, Lilian était toujours derrière moi, mais c'est chaque fois celui qui m'a chambré. Moi, lui, quelques fautes. Quand on sort ensemble, et toujours, il voulait sortir jusqu'à dernier moment, hein. Je vois, après le match, je parle. Et je dis, on sort encore. Mais plutôt, c'est lui qui m'a, mes bêtises avec les polices, avec gendarmerie, tout ça, c'est lui. Chaque fois, j'utilisais mon accent, je suis étranger, je parle français. Donc, ça, c'est un bon truc, ça. Ouais, je comprends pas. Je parle français. Et, donc, le gendarmerie il m'a arrêté, il dit, mais c'est ça, ils font l'amende, et je sortis liquide, comme ça, et je semblant. Et j'ai jamais dit, j'ai 120, ça veut dire qu'il faut payer. Non, j'ai rien de particulier, je plaigne comme ça, mais bon. Moi, je me rappelle, t'étais venu avec Lilian à Caen en 2009, pour Caen-Bordeaux. T'avais assisté au dernier match de la saison où on est titré. Oui. Et on y était, enfin, Cyril, on y était, Marc aussi sûrement. Enfin, moi, j'étais dans les tribunes ce jour-là. Moi, j'étais pas. Et on vous aperçoit pas de suite, parce que vous étiez un peu planqué, dans le coin. Et au moment où je sais pas comment quelqu'un vous a vu, donc du coup ça s'est répandu comme un truc, il y a Lilian et Anino, ça a été un moment, enfin moi franchement on était pas bien, on était déjà fatigué, on va dire qu'on était fatigué, très fatigué même, très très très fatigué, et moi j'avais, enfin ouais, c'était super. Combien d'anciens d'un club vont assister au match du titre de leur club, pas en présidentiel ou en machin, mais juste à côté du parquage, tu vois, tranquille. Enfin, nous, voilà, c'est juste cette image-là. Je trouve que t'es resté vachement, vachement proche de des supporters, de nous, enfin des supporters en général. Jusqu'à fin de la vie, hein, parce que là, c'est la sensation. Bon, dommage, comme j'étais 4 ans à Monténégro, j'étais pas trop ici parce que j'étais occupé de ma famille un peu plus. Et je profite dessus, mais là, comment je vivre entre les deux, surtout je ça va être comme ça, et entre les États-Unis, donc je participe vraiment tout le temps de et je suis proche, c'est ma nature, je sens les liens, ça aussi, c'est notre génération, c'est rien à l'expliquer, parce que chaque fois que je joue l'ambiance, même là, le dernier match contre Marseille, c'est fou. Et dommage pour un match entre les Marseille et Bordeaux à l'ancien, ça c'est bien. Ça. Mais je vous remercie encore à vous pour l'invitation. J'ai passé un super moment la semaine dernière avec Lilian, avec un autre ancien joueur, bon, les joueurs actuels aussi. Et je vais être toujours à votre disposition et sur les projets, tout ça, parce que bon, ça va développer plein de aussi les choses pour l'avenir, avec les supporters. Parce qu'un club sans supporters, c'est comme un. Comme l'AS Monaco. C'est triste. Ah, mais quand Monaco, premier match que je joue à Monaco, je pensais que je me trompais le stade. Surtout, c'est le terrain d'entraînement. On joue au-dessus, sur le bâtiment, là. Je pense qu'on joue à Leclerc ou quoi. C'est pas possible. Donc, non, c'est une triste ambiance. Après, bon, tu vois là ta famille, tu vois tu vois 15 personnes au stade, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que pour repérer ta femme, tes enfants, c'est cool. Ah, ouais. Ben, il est là. Tu passes de Yougoslavie à Monaco, c'est chaud. Oh putain, ça va faire bizarre. Ouais. Ah, mais là, c'est pas pareil. En tout cas, merci beaucoup, Nino, d'avoir accepté notre invitation. On a passé un très bon moment avec toi. Et avec puis, plaisir. Ben, écoute, je pense qu'on est tous d'accord pour, on va te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. Beaucoup de réussite. Merci. Et puis, quitte à même si ce sera que 10 minutes ou un quart d'heure par téléphone, dans un an, faire le point sur ton projet ou dans deux ans. Même, enfin, je pense rapidement si on sait jamais. Ouais. Et je reste ici à quelques mois. Et si jamais il y a besoin, t'as nos numéros, donc s'il y a des choses que tu veux aborder. Je partage avec vous parce qu'on va, j'espère, on va officialiser quelque chose. Bien. Ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci, Nino. Merci à vous, avec plaisir. Merci.